raid dans le désert par Hugleroux. La scène se passe dans le cabinet de Monsieur le ministre de la Guerre au début du printemps de l'année 1890. Le ministre est assis derrière son bureau et devant lui, deux officiers discutent. Leur désaccord est assez vif et le ministre, qui n'a pas d'opinion sur la matière très spéciale du débat, écoute avec politesse les deux orateurs. « Résumez-vous, » dit-il avec douceur. Le capitaine L répond avec force. « Ce n'est pas une opinion que je risque, mais une certitude que j'avance. Le dromadaire coureur, le méharissaharien, est aussi maniable qu'un demi-cent normand. On lui apprend à marcher dans le rang. On lui mettra sur le dos un cavalier indigène qui tiendra le coup contre le Touareg. C'est avec cet instrument-là que l'on pourra pénétrer dans le Sahara et le garder quand on l'aura conquis. » Monsieur le ministre est homme de science, il déclare. « En tout cas, c'est une expérience à tenter. Vous en chargeriez-vous, mon capitaine ?»« Monsieur le ministre, nous sommes en mai. Je n'ajournerai pas l'automne prochain la preuve que vous me proposez de produire. Dans 3 semaines d'ici, si vous me le permettez, je serai à Ain Sefra, à la limite du désert et de la frontière marocaine. Je me rendrai à Jériville. Là, je monterai en dromadaire coureur. Je ne puis risquer une escorte dans le Sahara pendant ces mois de canicule. Je ne vous demande pas d'escorte. Je passerai seul, sans tente, sans convoi, avec quelques chambas de mon choix. » L'adversaire du capitaine lança. « Et votre expérience ne prouvera rien, car vous êtes à Chambi vous-même. J'emmènerai un compagnon, un blanc, un visage pâle. Vous allez demander à M. Fourreau de vous accompagner, et cela ne prouvera rien encore, car si vous êtes Chambi, Fourreau est Touareg. J'emmènerai un colis vivant. Je vous demande seulement pour lui, monsieur le ministre, le droit de toucher des vivres quand nous atteindrons un poste. Autrement, il mourrait de faim. « Entendu, » dit le ministre, « mais je ne veux pas connaître le nom de votre victime. » Le soir du même jour, je recevais la visite du capitaine L. « Le colis dont j'ai parlé au ministre ce matin, » dit-il, « ce sera vous, si vous avez confiance en moi. J'ai pensé à vous tout d'abord. » Je répondis avec la gratitude que l'on devine, « vous êtes bien bon. » 5 semaines plus tard, les officiers du poste de Jériville voyaient arriver par la route d'Exour 2 cavaliers européens auxquels ils rirent au nez avec toute la courtoisie imaginable quand ces forcenés déclarèrent qu'ils étaient décidés à enfourcher dès le surlendemain le dromadaire coureur et à piquer vers le sud. « Est-ce que par hasard, » demande avec quelque irritation le capitaine L, « les méharas que j'ai commandés à Ouargla ne seraient pas encore arrivés ? Ils sont là. » Et les chambas que j'ai demandés en les désignant nominalement, sont-ils avec eux ? La réponse, cette fois, fut moins directe. « Vous allez voir. » Je vis le capitaine froncer les sourcils. « Cheikh Ben Boudjema et son frère, d'où sortez-vous tous les deux ? Qui vous a envoyé à moi ? Je ne vous avais pas désigné. » Le soir, le capitaine me dit. « C'est ce Boudjema qui servait de guide à Flatters lors de sa seconde mission. » Je rapporte en France la preuve que Cheikh Ben Boudjema siégeait dans le conseil, tenu à Insala, où l'on a décidé le massacre de la colonne Flatters. C'est ce coquin qui l'a conduit dans le piège. Avec un tel chef d'escorte, notre raid change de figure. Voulez-vous toujours m'accompagner ? Si vous persistez dans votre projet. Je persiste. Moi de même. Le lendemain, le chef du bureau arabe de Jériville, à qui je garde à travers les années le plus affectueux souvenir, le capitaine R, faisait arrêter et garder à vue le frère de Cheikh Ben Boudjema. Il le remplaçait auprès de moi par un cavalier indigène, réputé fidèle, un certain Ben Aïch du Maxen de Chardia. Elle avait à ses côtés un homme qui lui appartenait corps et âme, le Chambi Ibrahim. Les méharas sahariens que nous avions devant nous sur la place de Jériville, le matin de notre départ, venaient d'Insala, où Cheikh Ben Boudjema avait ses écuries. Ils étaient aussi différents du Djamel, ou chameau de bas, que notre cheval de course l'est du cheval de fiacre. Un proverbe arabe dit que le méhari a les oreilles de la gazelle, l'encolure de l'autruche, le ventre du slougi. Sa tête est sèche, attachée à un cou si souple que dans la colère et dans la révolte, il emprunte ses ondulations au serpent. Ses yeux, à fleur de tête, très noirs, voilés de cils saillants, donnent au regard une profondeur pensive. le museau effilé n'est guère plus gros que celui d'un fort bélier. La bosse du djemel a fondu sur le dos du méhari, tandis que la partie inférieure de la poitrine s'est avancée en éperon de navire. Les pieds étroits, les jambes sèches, les jarrets musclés indiquent les soins donnés depuis des siècles à la reproduction de cette race. Encore aujourd'hui, au moment de la naissance, on emmaillote avec une large ceinture les intestins du jeune méhari, afin que leur paquet ne prenne pas un développement trop volumineux. Tous les dromadaires qui sont là, au nombre de 5, remontent du pays Touareg. Ils sont blancs ou de robe fauve, avec des basanes blanches et des crinières de lion noir. On m'a mis en main, en guise de cravache, une tringle de fer recourbée du bout. Je dois m'en servir impitoyablement, si la bête, en cours de route, tord son cou pour me broyer les jambes. Le harnachement est à la mode Touareg. La selle, ou raya, est sur le dos une sorte d'assiette en bois creuse. Le dossier monte en pointe. Le pommeau est une petite croix. Ben Aïch m'avertit que je ne dois jamais toucher à cette pièce, fragile comme du cristal, qui est montée sur un os de gazelle. Conformément aux prescriptions du cavalier qui se tient à la tête du méhari et le rassure, je pose le pied sur l'encolure de la bête. Je m'assois, aussi légèrement que possible, dans le creux de l'assiette, avec la petite croix du pommeau dressée entre mes cuisses. J'installe alors mes pieds nus. Le méhari ne supporte pas le contact d'une semelle, l'un derrière l'autre, sur l'encolure elle-même. Je saisis les rênes de façon à relever la tête de l'animal et à trouver ainsi un point d'appui un peu solide sur la base du cou. Les rênes s'attachent à un anneau de fer, rivé dans la narine droite du méhari. Le plus léger mouvement de ma main cause à l'animal une douleur très vive. L'habitude est d'ailleurs de passer de temps en temps un fer rouge dans cette blessure afin d'y entretenir une sensibilité cruelle. L'usage des pieds, comme aide, joue un rôle important dans la modération des allures. On compte dans le tel que les méharas font en un jour 10 fois la marche d'une caravane, soit 100 lieues. Il y a là une exagération manifeste. Les meilleurs, du soleil à la nuit, ne vont guère au-delà de 40 lieues. Pour nous, notre entraînement n'a jamais dépassé 80 kilomètres en 2 étapes. Il est vrai que nous avons soutenu ce train pendant 1 mois et demi et que le soleil de la canicule faisait du désert entier une plaque de fournaise. À 15 ans de distance, je me les remémore dans toute l'ardeur, le délice, l'orgueil, l'angoisse, la misère de leurs sensations. Ces journées uniques où entre le ciel et la terre, j'ai eu le sentiment d'être sans nuance, sans défaillance, un pur acte de volonté. Ainsi que le capitaine l'avait annoncé au ministre, nous passions d'un rivage à l'autre du Sahara algérien sans tente, sans convoi. Tous les jours, entre 3 et 4 heures du matin, Brahim et Ben Aïch venaient nous arracher au sommeil. On ouvrait les yeux, encore tout courbaturé et raide des fatigues de la veille, avec l'étonnement de trouver au-dessus de sa tête la nuit encore pleine d'étoiles. Dieu sait que de la selle d'un vrai méhari, on a la sensation de regarder le paysage par la fenêtre d'un premier étage. Pendant les marches de nuit, sous la lumière perpendiculaire des étoiles, cette distance de l'homme au sol s'aggrave. La terre s'abîme à des profondeurs qui vous donnent le vertige et les jambes du méhari semblent hissées sur des échasses qui plongent dans l'incertain. Du moins, à 7 heures, peut-on voyager sans casque, la tête nue et fraîche. Mais soudain, le soleil paraît au ras de l'horizon. Il n'y a pas d'aurore. Il faisait nuit. Voici le jour. Le disque de feu monte dans le ciel comme un boulet rouge. La souffrance qu'il impose scelle les bouches et fait fermer les yeux. On n'a plus que la conscience d'être en équilibre sur le dromadaire qui balamble, une confusion vague et douloureuse de vie aveuglée de lumière, enveloppée de chaleur torride. Quelle chaleur et quelle lumière! À partir de 8 heures, le thermomètre atteint à l'ombre 40 degrés. On prend l'ombre entre les 4 pattes du dromadaire, dans la flaque violette que sa silhouette réfléchie promène encore sur le miroir du sol. Entre 10 heures et midi, plus d'une fois, au revers de la dune où nous étions étendus, sous le betoum, sous la touffe de drine où nous avions cherché un abri, le même thermomètre a marqué 52 degrés à l'ombre. De 10 heures du matin à 5 heures du soir, on gît étendu, attendant comme de la poussée des grandes fièvres, que quelque chose se déclare. On mouille avec dégoût ses lèvres dans du café qui sent l'eau terreuse. encore empoisonné par les relents des outres en peau de bouc. Le crottin des chameaux qui a servi à faire cuire les aliments leur laisse une odeur musquée. Tout cela est objet d'insupportables dégoûts et de vomissements. Parfois, à la chute du jour, avant la disparition du soleil, notre seconde étape atteint les jardins d'une oasis. Alors, il y a une grande fête. Des tourterelles tournent, enfilées sur une baïonnette, devant des feux clairs. Il arrive même qu'un mouton ou un chamelon entier, empalé sur une perche de bois, se dort entre deux flammes. Nos chambas s'emplissent de cette viande. Pour nous, nous préférons quelques maigres abricots, du lait, frais ou aigre, de brebis ou de chamelle, voire même, à l'occasion, ce délicieux raisin d'oasis à forme allongée. Une nuit que je dormais avec la vague de sable pour oreiller, le bruit d'une cadence souterraine me réveilla en sursaut. Déjà mon ami El était debout. Autour de lui, Brahim, Sheikh Ben Boudjema et Ben Aïch, l'oreille collée contre le sable, auscultaient ce bruit sourd. Je demandais « Qu'est-ce qui se passe ?»« Une caravane qui vient du côté de l'Est. Si nous ne prenons pas nos précautions, elle nous rencontrera demain matin. Des marchands, des bandits. Je vous ai prévenu. Je vous ai dit le Sahara entre juillet et septembre est vide comme Paris entre 2 et 3 heures du matin. Si l'on fait une rencontre, il y a des chances pour qu'elle soit mauvaise. À qui donc supposez-vous que nous avons affaire ? À des chambas dissidents. Ils vont porter de la contrebande de guerre à Abou Amama, de la poudre, des cartouches dans le sud marocain. Ils sont nombreux. Au bruit qu'ils perçoivent, nos hommes estiment que la troupe est de 8 à 1200 hommes. Mal intentionnés. Ils sourient ironiquement. Ils ont l'habitude de considérer et de traiter comme des espions les gens qu'ils trouvent au travers de leur route. Ils s'amusent un peu avec leur chair. Ben Aïch a rencontré dernièrement 4 cadavres des cavaliers de Maxen que l'on avait mal accommodés. Ces marchands, comme vous dites, les avaient fixés sur le dos à l'aide de 4 piquets. Ils leur avaient ouvert le ventre. Ils avaient mis des pierres dedans. Et ils les avaient laissés crever la face au soleil. Il ajouta, après un silence, « Si vous voulez, nous ne les attendrons pas. » Quelques heures après, Brahim, qui avait pris les devants, revint sur nous au grand trot. « Pied à terre ! Pied à terre ! Derrière ces dunes, ils arrivent. Ils ont obliqué vers le sud. Ils vont passer à 500 mètres de nous. » Déjà, les dromadaires avaient été contraints de s'agenouiller. Je vis que nos hommes leur liaient les jointures pour les empêcher de se relever et qu'ils ficelaient leurs museaux pour les rendre muets. « Il est certain, dit le capitaine, que ces chambas ont des chamelles avec eux. Il ne faut pas que nos méharas se mettent à glousser pour elles et nous trahissent. » La petite dune qui nous séparait de la partie découverte où allaient passer les dissidents n'avait pas 4 mètres de haut. Nous étions cachés là derrière, comme des francs-tireurs à l'abri d'un mur. Elle et moi, à plat ventre, nous épillons par les brèches de la crête. Les dromadaires étaient tenus en main par leurs cavaliers au pied de la dune en contrebas. Bientôt l'avant-garde de la caravane se dessina. « C'est bien ce que je pensais, » dit elle. « Des chambas de Ouargla, ils désertent. Ils encadrent quelques caravanes de contrebandiers, entrés en Afrique par la Tripolitaine. Ça, c'est du sucre, ça, de la poudre, ça, des fusils. Eh, ces messieurs ont amené de la houille avec eux. Voyez-vous ces chameaux chargés de bassour ? Il y a de la femme dans ces cages à poulets. » Comme si les dissidents avaient pu nous entendre, nous causions à voix basse. Je demandais « S'ils viennent à nous, que ferez-vous » Elle répondit « J'oubliais de vous le dire. J'en démolirai à coups de fusil le plus possible, parce que je ne veux pas aller tout seul en enfer. Et je me ferai sauter la cervelle avant qu'il n'arrive au pied de la dune, parce que je ne veux pas tomber vivant dans ses mains-là. » Je m'en souviens clairement. Ce que j'éprouvais à ce moment-là fut bien moins un sentiment d'angoisse qu'un mouvement de colère. Depuis des semaines, nos énergies étaient si tendues. Colère contre la décision suprême que mon compagnon voulait m'imposer. Mais si vous vous trompez, mon cher, si ces gens-là ont des intentions inoffensives, c'est stupide de se tuer pour rien. Elle rit encore. Voici comment les choses se passent. Je connais le protocole des chambas. On vient à vous très gentiment, les mains tendues, on vous ramène comme des hôtes au cœur de la troupe, on vous offre une tasse de café, et au moment où vous la portez à vos lèvres, 8 ou 10 mécréants se jettent sur vous, vous désarment. Une heure après, vous êtes sur le dos, avec des piquets aux 4 membres et des cailloux dans le ventre, si le cœur vous en dit. Les chambas défilaient toujours. Leurs troupes semblaient égayées sur de longs espaces par petits pelotons séparés de vide. Parfois, quelques méharas tournaient la tête de notre côté. Nous les entendions gémir, ou bien des hommes se détachaient, faisaient quelques pas sur le flanc de la troupe, venaient de notre côté. Entre eux et moi flottaient d'autres images. Je revoyais ma petite maison de campagne, ma jeune femme, mes deux fils, encore petits. Alors, je m'en souviens, mentalement, j'ai dit « Mon Dieu, si vous vous occupez des choses de ce bas monde, c'est le moment de me donner un petit coup d'œil. » Pendant 5 quarts d'heure, les dissidents défilèrent. Nous les vîmes disparaître à l'ouest, comme ils étaient apparus du côté de l'est, dans un nuage de poussière. Ils inclinaient un peu vers le nord. Nous avions quelques heures à nous, avant qu'une de leurs vedettes découvrît nos fraîches empreintes. Depuis, aux terrasses des cafés, ailleurs, j'ai entendu des hommes, jeunes ou grisonnants, très sceptiques, affirmant, avec une apparente conviction, qu'ils ne croient ni à Dieu ni à diable, que la mort serait là, qu'on ne les verrait pas faiblir. J'admire autant qu'il convient à cette vaillance, mais je ne fais pas chorus avec eux. Je me souviens qu'un jour je me suis trouvé au pied de la décision définitive et que j'étais des plus modestes. Au fond, ce qui détache l'homme de l'idée du divin, ce qui l'enivre d'un orgueil fou et légitime, c'est le spectacle qu'il a dans le cœur des villes, des miracles que son intelligence a accomplis. Sur la mer immense, dans le Sahara vide, on devient plus humble. Là, toute la place appartient à la nature et au surnaturel. Je le sentis particulièrement un soir, comme nous arrivions avec la chute du jour, à un puits qu'un petit bouquet de palmiers abrite aux environs de Metlili. Benaïch, qui nous précédait, arrêta court son dromadaire. En même temps, il tournait vers nous sa figure entourée de voiles effigées par la peur. « Sgouen, les revenantes !» Aucune tente, aucune oasis n'était visible jusqu'à l'extrême horizon. Pourtant, là, devant nous, entre le puits et les palmiers, des femmes défilaient. Créatures vivantes ou apparences de mirage, nous distinguions clairement les bases qu'elles portaient sur la tête ou sur le dos, les plis tombant de l'étoffe bleue qui drape uniformément toutes les femmes du désert. Elles ne chantaient pas, elles ne babillaient pas entre elles. Nul murmure ne jaillissait de leur promenade lente. Le bas de leur jupe, leurs pieds et le sable étaient confus. Elles se précisèrent une seconde et puis pâlirent. Elles devinrent diaphanes, comme ces images de soi-même qu'on aperçoit dans le faux jour en s'approchant d'une vitre de fenêtre fermée sur un jardin. Bien sûr, elles venaient d'ailleurs, apportées là par la réverbération des sables. En quelques lieux du Sahara immense, elles étaient les créatures utiles que le Dieu unique a données à l'homme du désert pour apaiser toutes ses soifs aux approches de la nuit. Mais nos cavaliers préféraient croire qu'elles venaient, comme on dit là-bas, de l'autre côté, afin de les tourmenter eux-mêmes par l'évocation des joies de la tente, de ces douceurs de la terre, qui pour ceux d'Islam ressemblent tant aux voluptés du paradis. 2 mois plus tard, le capitaine L franchissait de nouveau le seuil du ministre de la guerre. « Eh bien, capitaine ?»« Eh bien, monsieur le ministre, nous avons gagné notre gageure. Le méhari est bien l'animal que je vous annonçais. J'ai placé dessus un colis humain. Il est entré avec moi par un bout du Sahara et il est sorti par l'autre. » Monsieur le ministre demande avec bienveillance. « Et ce colis, vous le rapportez en bon état ?» Le capitaine fit une petite moue. Ce fut en effet dans le lit où me clouait la dysenterie, la fièvre, que j'eus la satisfaction d'apprendre de bonnes nouvelles. Le capitaine L était nommé officier d'ordonnance de monsieur le ministre de la guerre, et l'on décidait d'autre part la création de ces corps de cavaliers méharistes qui depuis ont conquis pour la France le blanc empire du Sahara. Ainsi s'achève un raid dans le désert par Hugues Leroux.